revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire? Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire? On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond, il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. On nous dit que nous devrions être fiers d'avoir un géant LVMH made in France. Mais les amis, Bernard Arnault a demandé la nationalité belge pour que ses enfants ne payent pas de droits de succession. On nous dit qu'il ne faut pas faire fuir les talents. Mais ceux qui ont besoin de plus d'un milliard, ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires. Ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes.